L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Thomas Jandel, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du club handisport de Vendeuvre et vous organisez depuis peu les jeudis après-midi découvertes. L'occasion pendant cette période compliquée bien d'ouvrir le handisport au plus grand nombre. Ça a commencé quand ? Alors ça a commencé la semaine dernière, effectivement. Comme tu as dit, on est en période un peu compliquée en ce moment, mais voilà, on a un public dit prioritaire pour l'accès au sport. L'ensemble des activités du club aujourd'hui étaient maintenues sur nos 5 disciplines majeures, avec le foot fauteuil bien sûr, le basket fauteuil, l'haltérophilie, le tir aux armes et le tir à la sarbacane. Et c'est vrai que voilà, d'autres opportunités se présentaient à nous avec la mise en place des jeudis là. Ça se passe au Parc des Sports de Vendeuvre de 15h30 à 17h30. Oui, c'est vrai. Alors, je reviens également sur la gratuité de l'événement. Hein. Le club, on licenciera les personnes qui viennent se présenter, mais on insiste sur la gratuité parce qu'on ne veut vraiment pas que ça soit un frein aujourd'hui sur la pratique sportive. Donc oui, tous les jeudis, Parc des Sports de Vendeuvre, donc c'est très bien desservi par le tram ou autre réseau de transport. On est face aux nations. Et c'est vrai que ce message s'adresse vraiment à toutes les personnes handicapées, hein, à un moment ou à un autre. Je sais qu'en ce moment, sans rentrer dans le cliché, il est important de pouvoir de s'ouvrir, de se dépenser, sans parler de performance aussi, hein, de rencontres, d'échanges. Et voilà, c'est pour ça qu'au niveau du club, on a décidé d'ouvrir ce créneau à les jeudis de 15h à 17h30 pour que les personnes puissent venir pratiquer, découvrir un tas de sports de la fédération. Vous l'avez précisé, c'est important de le redire, c'est que même si on n'est pas licencié, on peut venir participer lors de ces après-midi. Comment on fait d'ailleurs pour venir participer ? Aujourd'hui, effectivement, comme tu as dit, on veut absolument effectivement s'ouvrir un petit peu. Nos créneaux ont pu être maintenus sur nos licenciés. Donc le jeudi est bien entendu ouvert à nos licenciés, mais l'information est donnée. Là, le but, justement, par ce passage à la radio aussi, c'est vraiment de mobiliser si des personnes handicapées ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes handicapées. Comme j'ai dit, aujourd'hui, nous avons le droit d'avoir accès au gymnase. Et aujourd'hui, c'est même plus un droit, c'est un devoir. Je pense qu'il faut absolument, absolument y aller pour se détendre en termes de bien-être, en termes de dépenses énergétiques, sans revenir sur tous les bienfaits du sport. Mais c'est vraiment effectivement ouvert à toute personne handicapée. N'importe quel âge aussi ? N'importe quel âge. Alors, les vacances scolaires vont arriver. Oui. Donc, le but, ça va être certainement de maintenir l'activité pendant les vacances scolaires pour effectivement peut-être du fait de ce créneau un peu dans l'après-midi. Mais bon, couvre-feu oblige. Espérer voir des enfants qui puissent venir également, quoi. Pour vous aider dans cette mission, je crois que vous êtes aidé par des étudiants de STAPS. Ouais, exactement. C'est vrai que on a rebondi grâce à ça aussi également. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut bénéficier d'un encadrement de qualité via les stagiaires STAPS qu'on a accueillis au sein du club. Sur les années passées, ils étaient là effectivement sur de la pratique ou de l'observation de nos disciplines. Mais vu le contexte sanitaire, on a voulu aller un petit peu plus loin en proposant effectivement d'ouvrir et d'encadrer à toute personne. Le but, c'est de prendre contact sur le US Vendeuvre handisport@gmail.com pour signaler votre présence. Et puis effectivement sur la première séance, c'est se découvrir l'un et l'autre. Et puis dans le temps, c'est arriver à proposer des sports qui correspondent au handicap, parce que voilà, sans rentrer trop dans le côté technique, suivant les pathologies ou tout simplement le handicap de la personne, il y a des sports qui sont possibles d'être pratiqués et d'autres moins, quoi. Donc voilà, on est vraiment sur une phase individuelle et puis à l'écoute des gens pour qu'ils puissent s'épanouir et peut-être découvrir et faire naître des vocations sportives aussi pour le futur. Et pourquoi pas ? Parce que les Jeux Olympiques approchent aussi, hein, en France, en 2024. Pourquoi pas des vocations ? Ah, ben ça, c'est le grand souhait du club, effectivement. Aujourd'hui, on est, comme tu as dit, les Jeux Paralympiques vont avoir lieu en France en 2024. Si c'est pas repoussé, on verra bien. Mais c'est vrai que la France va devoir inscrire dans chaque discipline, donc il y a 22 disciplines paralympiques, des compétiteurs. Donc c'est vrai qu'il est, si on s'y prend dès maintenant, qu'on trouve les jeunes ou les personnes intéressées, le club accompagnera au mieux pour pouvoir rentrer non plus que dans une simple pratique, mais vraiment dans une perspective de performance. Donc, les jeudis après-midi, on vient, on s'inscrit au préalable, par mail, hein, c'est ça ? Oui, un petit contact par mail. Le but, c'est d'échanger avant toute chose, rassurer. On sait très bien que la première démarche, c'est la plus compliquée. Mais vraiment, ne soyez pas timide, on est vraiment là pour vous accompagner. Je pense que, sans faire un petit cliché, mais j'ai osé m'aventurer à Nancy samedi pour faire quelques achats. Je vous assure qu'on est bien mieux à Vendeuvre à faire du sport. C'est beaucoup moins anxiogène, beaucoup moins de monde. Et le protocole sanitaire est en place. Il n'y a vraiment aucun souci sur ce cadre-là. On est très, très, très vigilants. N'hésitez surtout pas. Je sais que c'est pas forcément facile, mais n'hésitez pas à franchir la porte. On est vraiment là pour vous accueillir. Merci beaucoup, Thomas Jandel. Ah, merci beaucoup.